Donc les intervenants suivants sont Lies et Cindy qui nous parlent du théâtre Forum comme terrain d'émancipation. Vecteur d'émancipation. Voilà, c'est parti. Donc on est on va juste vous présenter très vite. Pour qu'il y ait un peu de visibilité autour de nous avec les gens. C'est vrai. Donc on se présente très très rapidement. En fait, on est les deux co-directeurs d'une compagnie de théâtre qui est spécialisée dans cette forme de théâtre un peu particulier qui est le théâtre forum. On va vous expliquer un petit peu nous, en quoi ça consiste et puis après peut-être on reviendra un peu sur les origines et puis le lien qui est vraiment total en symbiose avec l'éducation populaire, moi comme nous on la conçoit. Alors en fait, donc, dans notre compagnie, on a toute une série de pièces de théâtre. Des pièces de théâtre qui ont des thématiques d'ordre qui peuvent être d'éducation à la santé, qui peuvent être autour de la citoyenneté, de la violence, de la drogue, ce genre de choses. C'est des pièces de théâtre qui durent à peu près 3/4 d'heure et qui présentent des situations problématiques, mais vraiment de leur complexité. C'est-à-dire que, par exemple, on suit un personnage à qui il arrive éventuellement tout un tas de déboires, tout un tas de situations différentes. Les personnages qui sont présentés dans leur complexité, au sein de leur famille, au sein de leurs proches, de leur établissement scolaire, quand on joue des personnages qui sont jeunes, etc., etc. Donc, une fois qu'on a joué cette pièce, on joue la majeure partie du temps en milieu scolaire, en collège, en lycée, quelquefois en primaire. Mais on joue aussi le soir à la demande de collectivités locales, comme des mairies, comme des actions communes avec les conseils départementaux, etc. etc. Et juste, du coup, c'est ouvert au public Alors, quand on intervient au sein d'un établissement scolaire, c'est souvent sur l'impulsion, par exemple, de l'infirmière de l'établissement qui a voulu monter une action autour du sommeil, autour des addictions, par exemple. Autour de certaines préoccupations, mais en général quand on joue le soir ou l'après-midi, c'est vraiment ouvert au public. La spécificité aussi c'est que les interventions sont gratuites, dans le sens où c'est les gens qui payent évidemment, mais ce sont les gens qui organisent les choses et après le public vient sans payer sa place. Et y compris les élèves, c'est extrêmement rare que les établissements scolaires demandent aux élèves de payer leur place. Donc une fois qu'on a présenté la pièce de théâtre, on va en fait proposer au public, il y a un des comédiens qui est le meneur de jeu, qui va venir d'abord discuter avec le public et puis questionner le public autour des choix des personnages. Qu'est-ce qu'ils pensent des choix des personnages? Est-ce qu'ils sont d'accord avec ce que font les personnages? Est-ce qu'ils pensent que dans cette situation, la mère pourrait agir autrement? Est-ce que le professeur pourrait se conduire différemment? Est-ce qu'il y a un personnage qui n'est pas représenté en fait dans la pièce et qui pourrait intervenir? Donc non seulement il va y avoir cet échange qui est très important et souvent très riche, des échanges aussi dans le public qui est modéré par le meneur de jeu, mais en plus ensuite on va proposer aux spectateurs de monter sur scène, de remplacer un personnage et puis d'improviser avec les autres comédiens pour essayer de tester des solutions, pour essayer d'apporter, de trouver un moyen d'améliorer les choses, par exemple. C'est pour ça qu'on a appelé Théâtre Forum vecteur d'émancipation, parce que c'est vraiment un rêve de l'éducation populaire, c'est d'autonomiser aussi le spectateur. C'est-à-dire que nous, a priori, on va faire justement une historicité du Théâtre Forum pour comprendre d'où il vient, parce qu'il s'est transformé aussi en arrivant en Europe. C'est-à-dire qu'on pourrait reparler de la dictature, qu'est-ce que c'est une dictature, etc. Mais en France, le Théâtre Forum avant il s'appelait vraiment Théâtre de l'opprimé. Il est né au Brésil grâce à Augusto Boal sous la dictature. Et c'était vraiment l'idée par le théâtre dans les années 70 de mobiliser les gens et de leur dire ok, vous êtes sous le joug de votre patron, mais même parfois de votre mari, parce que dans les sociétés où il y avait encore vraiment c'était l'idée de travailler sur la notion d'opprimé et d'oppresseur et de libérer l'opprimé de l'oppresseur, mais pas seulement par la réflexion mais par l'action aussi, mais quel type d'action, et c'était de devenir acteur soi-même pour envisager bah, qu'est-ce que je fais concrètement. Voilà, les comédiens jouent une scène, montrent une scène d'oppression, enfin un oppresseur, un opprimé. Le public regarde et ensuite on réfléchit, bah, alors qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et en fait, généralement, les spectateurs qui s'identifient dans les personnages vont avoir en plus de facilité à monter sur scène et à dire mais là il faut lui dire ça au patron, il faut lui dire ça, il faut se rassembler tous et comment on va convaincre chacun de venir se rassembler. Et en fait chacun vient proposer sa tentative et puis on relaie toujours au public derrière, mais alors est-ce que vous pensez de cette situation. Et ce qui est, moi je trouve assez fondamental, c'est que justement on construit ensemble quelque chose. Et à la fin, on n'a pas forcément de solution unique, on a des solutions, des potentiels de solutions. Et que l'idée, c'est qu'on arrive à s'écouter les uns les autres. Quand il y a des positions différentes, on peut dire, bah oui, mais voilà, bah, il faut les entendre et de les tester ici. Et en fait, quand on se compte, on arrive à faire bah, cette solution, oui, elle marchait, mais quand même, ça, on n'a pas réussi vraiment. Bon, bah alors, si on cherchait à réussir vraiment, enfin, voilà, et chacun... Voilà, bien raconter une histoire, enfin en tout cas faire son action, et l'idée c'est que la transformation, mais c'est la réflexion aussi, et c'est la confiance en l'autre qu'on donne en tant que spectateur à venir défendre une idée, à venir mettre de son opinion aussi, et pas simplement de ce qu'on lui dit, de penser, de faire, ou d'agir, ou etc., etc. Et donc à Auguste Boal, voilà, il est parti vraiment de l'oppression, et, enfin de l'opprimé et de l'oppresseur, et puis ensuite, bah, il a chassé, on peut dire. Oui, il a réussi à partir du Brésil, effectivement. Il est arrivé en Europe. Il est arrivé en Europe, où là aussi, il a fait différentes actions, parce que pour le Théâtre Forum, maintenant qui s'appelle Théâtre Forum, on est dans l'Agora, hein, les de l'Agora, il y avait aussi toutes les actions de théâtre invisible, je ne sais pas si vous connaissez, où les gens dans un espace public peuvent faire réagir par le théâtre sur certaines... Ça a été repris parfois en caméra cachée dans certaines émissions, c'est-à-dire deux comédiens, l'un va être par exemple ouvertement homophobe dans la rue, et puis l'idée c'était de voir comment les autres allaient réagir aussi. C'est pas trop là, ce n'est quand même un peu inspiré, parce qu'ils ont institué à un moment donné des jeux de rôle, des modes de management, là où vous faisiez faire aux salariés. Absolument. Alors ça, c'est la grande. Des fois, idéologiquement, par contre, c'est souvent récupéré aussi pour essayer de passer des messages. Alors nous, c'est vraiment justement en positionnement de compagnie de théâtre, notre grande question, parce qu'il nous est arrivé, au travers de notre compagnie, d'intervenir justement. C'est les chefs, les directeurs qui décident de faire venir une compagnie de théâtre forum hein, pour parler de maltraitance. On a fait aussi des ateliers dans une entreprise qui livre les repas aux avions. Et le truc, c'est que les ouvriers avaient tendance à se mettre en grève assez facilement. Les ouvriers ont un vrai pouvoir de nuisance, c'est-à-dire si le camion ne veut plus livrer le repas est plus livré. Les femmes, c'est souvent des femmes qui mettent le coleslaw, elles veulent plus le faire, ben pareil, il n'y a plus de repas. Donc quand même, ils avaient proposé qu'on fasse une intervention pour essayer de dégripper les choses. C'est extrêmement compliqué, effectivement, parce que si les intentions de la direction, sans être du tout y aller gentils, les méchants, etc., hein, si les intentions de la direction sont « on va faire du théâtre pour que, bon, bah quand même, faut bien que vous compreniez qu'on est tous dans le même bateau, etc., etc. », ça va pas marcher comme ça. S'ils veulent pas entendre que, par exemple, bah, y a des ouvriers qui ont un travail relativement pénible et qui souhaiteraient quand même payer un tout petit peu plus que le SMIC, les limites, en tout cas, elles sont là. Parfois, on a eu affaire quelquefois à des employeurs dans le privé qui voulaient vraiment essayer d'ouvrir le dialogue avec les salariés. Ça nous est arrivé assez rarement. Mais là encore, on ne veut pas tirer non plus de portrait, mais c'est vrai que 99% du temps, on intervient dans le domaine public, avec dans le cadre de l'éducation nationale, donc dans le cadre des collectivités locales. Et c'est vrai que c'est le même problème qui est posé un peu au psy du travail. Absolument. Quand c'est l'employé qui demande qu'il y ait un groupe de formés, et finalement ça existe pour qui, voilà, c'est cet espace. Est-ce que c'est pour apaiser les tensions pour que l'employeur soit tranquille, ou est-ce que c'est pour justement faire circuler quelque chose de collectif qui remonte et qui produise autre chose, quoi. Tout à fait. Donc voilà le contexte historique avec cette notion d'opprimé et d'oppresseur. Et donc après, en France, bah, effectivement, les choses sont moins... Enfin, c'est plus invisible, quoi. sont les oppresseurs, qui sont les opprimés, quoi qu'on voit bien avec le mouvement aujourd'hui Nuit Debout, que finalement, il y a bien des oppressions, enfin oui, voilà. Il y a un nous, eux qui se pose, oui. Et donc nous, souvent, on nous appelle, enfin même toute compagnie, je dis nous, mais je parle nous, les autres compagnies de théâtre forum, après on a chacun des biais assez différents pour faire ce théâtre forum, mais généralement, les compagnies de théâtre forum sont appelées pour venir dans les établissements scolaires, mais les prisons aussi, enfin voilà, il y a des théâtres de prévention, on va parler des addictions à l'alcool, des addictions à la drogue, etc., etc. Il y a parfois la citoyenneté, on rentre plus sur le sujet de discrimination, du racisme, etc. Moi, j'invite tous ceux qui font du théâtre forum, enfin, dans cette notion-là, à aller au-delà d'un théâtre de prévention, en fait. Enfin, on n'est pas là pour venir dire aux ados « mettez une capote » ou « fumez pas, c'est pas bon pour la santé ». C'est plutôt une réflexion sur, en fait, connaître ses propres limites. En fait, c'est vraiment redonner au public, aux spectateurs, à tout un chacun, sa propre reconnaissance. Se réapproprier son être et son soi, et alors notamment quand on est dans les établissements scolaires, ils ont tellement l'impression, puis alors nous on pense le côté pyramidal, on écoute un savoir de haut et puis il faut se taire, ne pas parler, écouter, enfin, et nous on est dans autre chose, au contraire on donne la parole, on amène à réfléchir, on peut entendre des choses qui nous choquent. C'est aussi vraiment, c'est-à-dire, c'est quoi la parole et qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, pourquoi on ne l'accepte pas. Et nous, on essaye, dans ce qu'on fait par le théâtre forum, de laisser émerger tout ce qui peut être dit et de l'entendre. Et ça va être sur le plateau, en fait, sur scène, que les choses vont se passer. Et ça va être le regard des autres derrière qui va dire, bah oui, mais non, taper, c'est peut-être pas bien, c'est vrai qu'il faut peut-être passer par le dialogue. Enfin, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais et c'est pas nous qui allons dire ou faire dire que c'est ça qui est bien ou pas bien ou quoi ou qu'est-ce. Chacun est responsable et libre d'agir comme il le souhaite. Après, on est aussi responsable d'écouter ce que les autres ont à dire et de pouvoir avoir l'esprit assez libre et ouvert pour l'entendre et savoir qu'est-ce que ça modifie aussi à l'intérieur de nous, une chose à laquelle on n'avait pas du tout pensé. Et là, c'est l'occasion que les gens puissent échanger et se rendre compte qu'on est différent, qu'on pense des choses différentes, mais que peut-être on peut avoir un objectif commun. Ne serait-ce que de vivre ensemble, en fait. Enfin, c'est vraiment, oui, pas le vivre ensemble, le fait de vivre ensemble. Voilà, ça nous semblait important aujourd'hui de venir, enfin voilà, expliquer aussi que ça, c'est des choses qui se font depuis très très très longtemps, en fait. Et que peu de personnes connaissent. La date où ça a commencé. Alors, la date où ça a commencé, exactement. Moi, je pourrais pas te le dire avec précision. C'est Augusto Boal, il a commencé à développer cette forme d'activisme dans les années 70. En France, il est arrivé dans les années 80, vers le début des années 80. C'est là où il a donc créé sa compagnie du théâtre de l'opprimé. Et c'est là où, en France en tout cas, c'est là où ça a commencé un petit peu à fonctionner. Et ensuite, effectivement, il y a eu après diverses obédiences. C'est-à-dire que tous les comédiens qui faisaient partie de cette compagnie ont commencé à se dire, par exemple, à l'époque, oui, mais... là, toi, tu nous dis qu'on n'a le droit que de remplacer l'opprimé. Et pour toi, l'opprimé, c'est toujours telle personne dans la scène. Mais peut-être, on peut essayer d'ouvrir les choses. Peut-être, entre les parents et les jeunes, c'est pas forcément les jeunes, forcément, l'opprimé. Peut-être, on peut réfléchir à venir à se mettre à la place d'un personnage qu'on n'est pas nous-mêmes. Et donc, nous, on est parti sur ce courant-là où, quand on fait une proposition de pièce, déjà... on n'est pas forcément en train de proposer une pièce qui est en miroir avec la situation des spectateurs. C'est pas parce qu'on va avoir des ouvriers qu'on va leur jouer une pièce qui parle des ouvriers. On va même au-delà de ça, c'est-à-dire que dans notre répertoire, on a des créations originales qu'on a écrites ou que des auteurs ont écrites. Mais on reprend aussi, par exemple, les Caprices de Marianne de Musset, qu'on va jouer à propos de la place de la femme dans la société, les relations filles-garçons, on va la jouer en collège, on va la jouer en lycée. Et une fois qu'on a joué la pièce, on propose aux spectateurs de monter sur scène et de remplacer Marianne, Octave, Célio, Claudio, etc., etc., ou d'inventer des nouveaux personnages. On joue aussi Antigone de Sophocle sur les questions de rapport à la loi, de désobéissance aussi, ce genre de choses. Et on a aussi un certain nombre de pièces qui vont par exemple se passer en Chine à une époque médiévale. L'idée, c'est en fait de pouvoir distancier les choses. C'est pas une création qui vient de nous, hein, bien sûr. c'est de pouvoir distancer les choses pour que les spectateurs aient plus de facilité finalement à remplacer les personnages et à se dire tiens mais peut-être cette situation qui se passe dans une école de cerf-volant, dans une Chine médiévale, peut-être ça me rappelle cette situation de harcèlement que je vis dans mon collège quoi finalement. Et donc on croit vraiment que c'est par la distance que les spectateurs vont pouvoir effectivement se réapproprier le débat, se réapproprier cette situation et puis se dire bah effectivement oui ça me concerne. Ou alors moi ça m'est jamais arrivé, mais l'émotion que ça dégage, le fait qu'on voit ces personnages qui sont traversés par tous ces problèmes, finalement ce qui se passe quand on va au théâtre, même quand il n'y a pas d'impro derrière, et ben là on va leur proposer, ok, bah peut-être ça vous a touché, peut-être ça va politiquement au sens large du terme, vous donner envie de vous impliquer justement, et puis de venir après en discuter et d'échanger avec tout le monde. Oui, et pour donner un exemple concret aussi avec ce qui se fait là, enfin il y a quelques jours là je vois Archi Debout qui se prépare pour dimanche. Donc les architectes qui se décident à venir ici aussi pour parler, puis des architectes investis. Et il y en avait un dans des commentaires sur Facebook qui disait, voilà, c'est aussi les notions de compétition, hein, puisque les architectes y répondent à beaucoup d'appels d'offres. Et alors on est tous en compétitivité, et finalement les forces qu'on pourrait avoir, on est tellement dans la compétition et qu'il faut gagner, que du coup, il donnait comme exemple les laboratoires pharmaceutiques qui faisaient des recherches et puis surtout ils s'en parlaient pas, et que finalement on pourrait aller beaucoup plus loin si on était, si on convergeait tous ensemble, quoi, pour partager le savoir en fait. Et récemment, donc la pièce qu'on a sur l'école, où on va la jouer pour les petits, sur l'école de cerf-volant, etc., il y a cette idée de compétition. Et par exemple, même si a priori on vient pour parler de harcèlement, et ben finalement dans la pièce on tire les fils aussi et on sentait les spectateurs très investis et très en demande de ça. C'est quoi la compétition ? Et ils étaient en train de réinventer sur le plateau pendant l'intervention une autre école finalement. Mais ils ne savaient pas parce qu'enfin on était quand même sur l'école de cerf-volant, quoi. Donc c'était pas complètement, mais d'un coup ils venaient nous dire qu'ils ont tous des forces différentes, alors il faudrait les rassembler pour que tous ensemble ils fassent qu'ils puissent apprendre des autres, et puis tout d'un coup ils remettaient la compétition en question, et quelque part voilà, si on peut-être plus tard ils réfléchiront entre compétition et notation, bon ben vous voyez c'est à chaque fois tous ces petits, enfin l'idée c'est vraiment celle-là quoi, de faire émerger une réflexion et aussi par la distanciation de pouvoir se dire qu'est-ce que concrètement ça peut apporter à la société, à nous tous, dans le débat collectif quoi aussi. Qu'est-ce qu'on fait au théâtre, vas-y, pas dans le micro, qui ne marche pas le soir. Ah oui, ok. C'est ça. On peut faire des larcènes éventuellement. Voilà, et comme moi j'avais vu sur, donc il y avait je dis toujours mais c'est Debout Éducation Populaire, ouais, qui venait là, et effectivement c'est vraiment en lien quoi, enfin entre l'éducation populaire et ce qu'on fait nous, je pense qu'on a les mêmes objectifs, hein, j'aime pas parler d'objectifs, mais on donne le même sens aux choses quoi, deviennent plus, enfin, mais c'est ce qui se passe aussi, enfin voilà, on critique parce que ici sur la place c'est peut-être qu'un entre-soi, etc., etc., et c'est comment faire venir les populations, d'autres populations différentes et les mobiliser, c'est aussi ça, c'est comment mobiliser le citoyen qui a perdu, qui n'a jamais appris, enfin parce que l'école, j'aimerais bien qu'elle soit comme le théâtre forum, vectrice d'émancipation. Pour se dire voilà, peut-être chaque jour c'est pas forcément tout le temps des luttes énormes, si on commençait déjà, il faut y arriver, hein. Je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis juste que si on avait une école et qu'on prenait les choses depuis petit quoi, on était sur quelque chose de plus participatif, de plus collaboratif, de se dire qu'on peut s'investir à moindre échelle sur voilà déjà son positionnement sur la consommation qu'on fait, des produits, tout un tas de choses, en reconnaissant les difficultés qu'on peut avoir pour le faire, parce que c'est facile de vouloir par exemple manger bio, mais voilà, enfin concrètement est-ce que j'ai l'argent pour le faire, enfin donc tout ça est complexe, et quand on fait un théâtre forum on regarde toutes ces complexités là, on se ferme pas les yeux en disant il faut, c'est très important de, on n'est pas là pour dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais on réfléchit ensemble et on regarde les difficultés en face pour essayer de les dépasser. Voilà, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui, de ce qu'on fait nous et de ce que font d'autres et de ce que vous faites vous, enfin voilà. Et que... Il y a peut-être une dernière petite chose aussi qui nous a fait réagir plus particulièrement donc, sur ces derniers temps. C'est effectivement à la suite donc des attentats du 5 janvier, donc il y a un peu plus d'un an maintenant. On entendait toute l'opinion. Oui, pardon, c'est vrai. On entendait donc toute l'opinion populaire qui parlait du fameux vivre ensemble, mais qui disait il faut aller parler, faire dialoguer les jeunes dans leur cité. Il faut aller voir les prisonniers et puis trouver des temps de dialogue pour qu'ils puissent nous parler. Les gens étaient surpris, qu'il y ait plein de gens qui commençaient à se dire je ne suis pas Charlie, etc., etc. Et donc il faut qu'on se mobilise pour ouvrir le dialogue, pour parler avec ces gens-là. Ce qui nous a absolument, enfin, ce qui nous a sidéré, c'est qu'en fait nous, c'est ce qu'on fait depuis des années et des années. Nous et d'autres, bien sûr, mais je veux dire le ce qu'on fait effectivement, c'est que on va proposer des temps de réflexion différents, des temps d'impro où la parole est ouverte, où ils peuvent effectivement monter sur scène, dire ce qu'ils veulent, mais encadrer aussi dans les choses où après on va pouvoir discuter, échanger, débattre. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit il faut absolument qu'on trouve un moyen de peut-être pas de se fédérer, mais de faire aussi entendre ces voix, qu'il y a des réflexions qui sont possibles et donc qui passent par l'éducation populaire, parce que c'est vraiment ça l'éducation populaire, c'est aussi rendre la politique aux gens autour. Et voilà. Quel est peut-être le point commun que vous avez avec ce qu'on appelait en anglais, tout ce qui était le théâtre d'improvisation ? Justement, vous voulez que les jeunes, ça s'appelait le théâtre d'improvisation, je crois, notamment de Jamel Debbouze, qui en est sorti. Est-ce que ça relève un peu de la même démarche quand même, ou c'est assez différent ? Je dirais que c'est assez différent parce que le théâtre d'improvisation, comme on en fait nous en échauffement d'acteurs, on pourrait dire, on fait des impros. Alors, l'improvisation fait travailler l'écoute, l'imaginaire, donc il y a un processus qui se met en marche qui est tout à fait intéressant. Mais là, nous, on travaille avec l'improvisation, c'est vrai, parce qu'on est vraiment en totale improvisation quand le spectateur vient, on n'a pas de canevas, de choses ou quoi. Mais là, c'est différent parce que l'improvisation, elle sert à réfléchir sur à faire évoluer la situation d'une pièce, d'un modèle où il y a les problématiques. Donc elle a un objectif, c'est difficile de l'expliquer là comme ça, sans être en action, en improvisation justement. Dans le théâtre d'improvisation, on fait l'improvisation, et puis voilà, c'est tout. Je veux dire, c'est une chose. Là, à chaque fois, on reprend les improvisations, et sur le même thème, les gens reviennent remplacer une seule personne, et après, les comédiens, ils ont un travail spécifique. C'est-à-dire qu'à la fois, on les laisse libres, il faut qu'il y ait une liberté et s'autoriser à dépasser le personnage, mais il y a quand même certaines règles pour permettre justement d'aider le spectateur à développer son idée. Donc on est là pour l'aider à développer son idée quand on est comédien sur la scène, et aussi à l'aider à aller plus loin. Donc c'est, on dit toujours, on est dans le « oui, mais ». Donc on accepte à un moment donné une proposition, puis parfois on se dit « ah ouais, mais peut-être c'est un petit peu facile ça, c'est peut-être trop magique ». Alors par le jeu, on va essayer de c'est comme un escalier qu'on monte quoi, il monte la première marche sur une première idée, puis on essaye de lui faire monter la deuxième, la troisième, pas pour essayer de le faire aller dans une direction, mais de voir jusqu'où lui il développe son idée, jusqu'où vraiment elle peut aller, et comment après le meneur de jeu ou la meneuse de jeu qui est là pour faire le débat et l'interaction, il va pouvoir se servir de cette improvisation-là, de jusqu'où le spectateur est allé, puis on lui demande même après, il y a vraiment, c'est pas juste tu fais l'improvisation, ok, super, bravo, merci, c'est est-ce que tu as atteint ton objectif, est-ce que tu es allé où tu voulais. Parfois c'est oui, parfois c'est non, et on essaye de questionner le oui ou le non, parce que c'est intéressant, des fois il y en a qui disent bah non, parce qu'en fait c'est difficile, j'avais l'idée, mais là, sur scène, c'est compliqué. Bah oui, parce que c'est comme dans la vie, c'est pas simplement parce que là, il est sur scène et que ça lui fait peur. C'est que souvent, on est là, ouais, mais moi, je vais faire ça demain. Je vais lui dire à mon patron que vraiment, j'aimerais une augmentation et puis on arrive. Voilà, parce qu'il y a la vie autour, quoi. Oui. Est-ce qu'on pourrait le qualifier de psychodrame collectif ? Alors, c'est pas un psychodrame dans le sens où, contrairement au psychodrame, en règle générale, dans le psychodrame, les gens vont jouer leur propre rôle. Ouais. Là, on met vraiment l'accent sur le fait que le spectateur qui monte sur scène va prendre le rôle d'un personnage. Donc, c'est collectif, c'est-à-dire niveau, pas au niveau individuel, mais psychodrame social. Quoi. Enfin, là encore, l'idée, c'est qu'on va pouvoir réfléchir tous ensemble à quelque chose. Il y a un petit peu de ça, c'est-à-dire qu'évidemment, la salle, elle est ce qu'elle est, les gens, ils sont ce qu'ils sont, et quand quelqu'un vient sur scène, il vient avec lui, il vient avec son univers, il ramène ses convictions, il ramène sa manière d'être, etc., etc. Mais là où nous, on tient vraiment à se distinguer d'un temps thérapeutique, c'est que justement, c'est pas un temps thérapeutique, c'est un temps sociologique, de discussion, politique, vraiment, préventif, mais au sens noble. Et vraiment théâtre, où on va pouvoir essayer de réfléchir tous ensemble aux choses et où on va essayer de trouver tous ensemble des solutions. Il y a personne qui va être là en tant que psychologue, en tant que mais ça a quand même en soi une dimension thérapeutique, il me semble. Ça a une dimension thérapeutique. Oui. Allez, oui, ça a une dimension thérapeutique. Là-dessus, enfin, c'est pas une critique, hein, mais c'est une remarque que ça m'inspire. C'est-à-dire dans la mesure où d'une part, ça peut être utilisé dans des entreprises, etc., et où vous-même vous défendez de vouloir faire seulement de la prévention. Moi, je me demande, est-ce que au fond, il n'y a pas le risque d'une forme de neutralisation aussi de l'action, de l'activité réelle et politique, quoi, dans ce genre de. Ça rejoint au fond un peu ce qui est dit. Si c'est une thérapeutique, et je veux dire, juste, je le lis à ce qui se passe ici, c'est que des fois à l'AG, on a l'impression qu'on fait tous une psychothérapie collective et on en a besoin, quoi, en un sens. Enfin, moi, j'avoue, je me sens mieux depuis que je viens ici. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, voilà, de neutraliser l'action, notamment par la catharsis du théâtre, quoi. C'est, si on fait sur scène, est-ce qu'on ne fait pas, quoi. Je vais laisser parler Sylvie, parce que sinon... Et après, ouais. Alors, plusieurs choses dans ce que tu dis, c'est très intéressant. Alors, la première chose, on se revendique pas de faire juste du théâtre de prévention. Au contraire, on va plus loin que la prévention. C'est un prétexte, la prévention, pour pouvoir intervenir dans les lieux. La catharsis, c'est que justement, et ça, Augusto Boal, je t'invite à lire Augusto Boal, il en parle de la catharsis. Et que justement, il éloigne. Et il faut que nous, Théâtre Forum, on éloigne la catharsis. C'est un risque. Quoi. Mais c'est un risque. C'est un risque. Et c'est pour ça que, en particulier dans ce qu'on fait là, nous. Après, je peux pas parler au nom des autres, hein. Mais on se questionne toujours sur ce qu'on fait, là où on y va, pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on nous demande de faire, et on peut dire non à des choses aussi. Et c'est vrai que le théâtre, enfin, on est comme tout le monde, on a besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir faire des projets et continuer. Et parfois on se dit, oh, le théâtre en entreprise quand même, ça pourrait, non. Mais je crois qu'on n'y va pas parce qu'on veut pas aller là où ça nous emmènerait, en fait. Parce que de fait, on ne peut rien faire, en fait. Ce qu'on ferait là ne sert pas à grand chose. Et quoique, j'ai envie de dire. Et quoique, en fait. Mais c'est vraiment le questionnement qu'on a, nous. Comment on peut y aller? Qu'est-ce qu'on y fait? On y va et parfois on a de grosses frustrations parce que il y a des limites. Enfin, on est dans un cadre limité. Mais malgré tout, franchement, venir donner la parole aux gens, même dans un cadre, parce que les chefs ou les directeurs sont pas forcément dans la salle quand on y est. Et puis la notion de confidentialité, on la pose dès le départ aussi. Donc, amener à la réflexion, à se dire, ça, je crois que ça a ses vertus quand même. Oui, alors moi, je sais pas exactement ce que vous faites, je viens d'arriver, mais c'était pour répondre à vous deux, à la notion de psychothérapie. C'est l'humain qui est psychothérapeute pour lui-même quand il est en groupe. Moi, je pense ça, hein. J'ai été enseignante, j'ai travaillé dans les milieux artistiques en groupe et j'ai bossé en psychiatrie institutionnelle. C'est exactement la même chose. C'est pas avec le même public, mais finalement, ce qu'on y fait, c'est la même chose. On se préoccupe chacun de nous-mêmes. Et ça, peu importe le mode d'action, je pense que c'est là ce qui se passe à République. J'espère que ça va faire renaître ça, quoi. Seul, on n'est rien du tout. Voilà. Seul, on n'est rien du tout, mais c'est effectivement important de se construire soi-même et de s'émanciper soi-même pour pouvoir construire le collectif. Enfin, voilà, je pense qu'on va sur... Mais après, peu importe le moyen d'action, je dirais, que ça soit du théâtre, que ça soit autre chose, je pense que c'est en transmettant et en faisant avec d'autres que les choses se passent, quoi. Oui, effectivement. Et qu'on n'a pas besoin d'aller en... critiquer du tout la parole collective, hein, mais c'est simplement... Là où je suis peut-être pas exactement d'accord, c'est que je suis pas certain que tous les moyens d'action aient exactement la même portée, notamment dans le cadre politique, quoi. C'est-à-dire, parce qu'on est quand même un peu aussi là pour ça. Bien sûr que y a des vertus à la parole collective, etc. Moi, la question que je me pose, hein, mais c'est pas, j'ai jamais participé à ce genre de choses, mais c'est simplement comment on en sort, en un sens, quoi. C'est-à-dire, à un moment, comment on sort du jeu, quoi. Comment, moi, ce qui me fait peur, au fond, c'est que si l'employé, il dit, en jouant à son patron d'aller se faire foutre et qu'il lui met une claque, est-ce que finalement, ça va pas le pousser à rester bien assis derrière dans son entreprise? Alors, pour de vrai? Mais voilà. Ça, c'est une vraie question. Et c'est une vraie question qui se pose aussi à Nuit Debout sur les actions où on parle beaucoup, violentes, non violentes, etc., etc. Moi, j'ai pas de réponse du tout là-dessus. Je sais pas. Mais je mets en questionnement, et c'est ce qu'on fait des fois. Je donnais un exemple sur, parfois, ils pensent que les parents qu'on monte sont pas assez autoritaires. Donc, ils vont dire, ah, il faut mettre une gifle, tu vois, pour se défendre de son patron, hein, il faut que j'aille. Le spectateur qui va venir proposer ça, il va venir le faire. Nous, on le laisse, voilà, et on va le questionner après sur s'il pense que c'est ça qu'il faut faire. Oui, et après on renvoie, et c'est les autres qui vont derrière se dire, oui, mais si on fait ça, il risque d'être viré, parce que c'est ça aussi, c'est de savoir la réalité de ce qui va se passer aussi derrière. Comment l'objectif est, comment j'arrive à mener le combat jusqu'au bout, enfin le combat, l'attaque. comment je peux atteindre mon objectif? Mon objectif est de faire changer les choses. Il serait de faire que le joug que subissent les salariés tombe. Bah alors, est-ce que les salariés, ouvriers, peu importe, je sais pas qui se sent opprimé, comment je peux reprendre la parole? Comment je peux reprendre mon moi d'action pour faire quelque chose? Mais l'action n'est pas forcément, elle, je dis pas qu'il y a une chose et une autre parce qu'il y a plusieurs choses, mais c'est pas forcément par la lutte ou la claque à son patron. Peut-être que c'est aussi accepter que parfois ça commence petit, par des petites choses, et au fur et à mesure je reprends ma confiance en moi, je reprends ma liberté, ma prise de conscience, et puis je peux aller peut-être au-delà, plus loin, m'arriver à fédérer. Voilà, je sais pas, c'est complexe, il faudrait le faire sur le plateau en fait pour voir les choses. Que nos interventions, en tout cas par exemple, ne vont pas remplacer le week-end en kayak avec tous les copains de la boîte pour justement pouvoir se défouler, faire du team building. Et puis après, voilà, on retourne pour un an de boulot avec tous les on rentre à 22h, etc., etc. Et c'est aussi pour ça, je sais qu'on le dit beaucoup, c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de mal à construire des projets dans les boîtes privées, en milieu privé, parce que les objectifs ne sont pas ceux-là, justement. Mais en revanche, ceci dit, on a aussi parfois des difficultés au sein de l'éducation nationale où certains de nos commanditaires ou des profs ou des infirmières voudrait donc qu'on vienne plutôt dire mettez une capote, mangez 5 fruits et légumes par jour, voilà, et ne fumez pas de shit, d'ailleurs ne fumez pas du tout, etc., etc. Là où ça rejoint un peu tes préoccupations, c'est-à-dire que il y a effectivement des gens, je leur jette pas la pierre, il y a des gens qui utilisent ces techniques dans le but de dire bon bah voilà, on va faire une sorte de pub un peu animée live, de passer un message, pour faire passer un message. Bon, c'est leur manière de faire, c'est quelque chose qui existe, et il y a des gens qui trouvent que bah oui, c'est très bien, parce que comme ça, en plus de l'avoir à la télé, ils vont avoir des comédiens qui vont venir leur dire faites ci, faites ça, etc., etc. Notre manière à nous de concevoir le théâtre forum, on n'est pas élitiste, hein, mais c'est juste notre manière à nous de concevoir les choses, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que c'est un espace qu'on va proposer, où il va y avoir, après justement le temps théâtral qui va proposer quelque chose de fort, un moment de discussion. Et je tiens aussi à faire une parenthèse, c'est que on parle avec beaucoup de notions parfois un peu complexes là tout de suite, mais en général, je vais reprendre un peu les choses qu'on entend souvent à la télé à propos de comédie ou quoi que ce soit, mais c'est souvent des moments où on se marre quand même beaucoup, c'est-à-dire en improvisation, il peut y avoir des moments assez drôles, même si la pièce qu'on a présentée, par exemple, se termine de manière tragique, même si ça aborde des sujets très graves. il y a justement tout un temps où grâce au rire, on va pouvoir peut-être faire passer des choses, pouvoir amener des gamins qui n'ont jamais vu de théâtre, qui n'ont pas l'habitude de se poser ces questions-là, bah venir effectivement réfléchir à bah, qu'est-ce que c'est la solidarité, qu'est-ce que c'est le racisme, l'autre, etc., etc. Moi, sur la façon dont on nomme les choses, je me suis demandé pourquoi Théâtre Forum et pas par exemple participatif, quelque chose d'un peu plus. Alors, bah ça c'est. Forum, quand on entend forum, ça parle pas plus. Et bah figurez-vous que. Alors, pourquoi faudrait replonger dans les écrits de Boal pour vraiment extraire les choses? Parce que c'est lui qui a appelé ce théâtre-là comme ça. Il se trouve que nous, en règle générale, on a proposé Théâtre Forum parce que c'est un terme qui est plus connu. Mais nous, en règle générale, on parle, au sein de notre compagnie, on parle de théâtre participatif, effectivement. Mais c'est une grande question qu'on se pose assez régulièrement, en fait. C'est-à-dire qu'au moment où on a créé... On est parti des opprimés, quand même, au départ. Et ouais. L'histoire, et ouais. On arrive à Forum, Mais Forum, en fait, alors on est repassé par théâtre participatif, mais j'ai envie de dire que moi, en ce moment, je suis en train de me dire qu'en fait, Théâtre Forum, j'aime bien, parce que le Forum, moi, je pense au théâtre grec, forcément, c'est quand même là aussi, enfin, d'où on peut venir aussi au-delà de d'Augusto Boal, hein, parce que finalement, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Alors, ils faisaient pas d'improvisation, les Grecs, mais ils discutaient après. Il y avait toujours un débat. Donc, c'est la notion de forum aussi, d'agora, quoi. Participatif. Maintenant, je le trouve peut-être un peu réducteur, même s'il est moins compréhensible que forum. En fait, la question qui se pose, c'est celle de la rémunération, dans le fond. Parce qu'à partir du moment où vous avez quelqu'un qui est un commanditaire et qui rémunère, il a le droit. Il va se sentir habité par le droit de vous demander ceci ou cela. En gros, que votre théâtre, quelle que soit la façon dont il se déroule, serve telle ou telle fin. Bon. Alors, en même temps, c'est très très bien que vous soyez payé, parce que le théâtre, c'est un métier, et voilà, et c'est bien de le rémunérer. Mais ensuite, effectivement, vous perdez ça. Il y a la capacité à réellement assigner des buts. Et les buts, ils peuvent être effectivement, même sans parler de catharsis, peuvent être dangereux. Quand par exemple on intervient pour venir apprendre aux gens à gérer leur stress, ou quand on vient soutenir des actions de promotion de la santé qui sont complètement pourries par ailleurs, il jouera pas à plein votre travail de redonner aux gens les moyens de se comprendre, de parler, de reprendre la parole, parce qu'il y aura ce biais. Bon. Et la question, c'est est-ce qu'il n'existe pas, de la même manière que le théâtre d'impro trouve des sources de financement, des façons de trouver des sources de financement et d'agir devant les boîtes, pas dedans. Voilà, donc questionnement tout à fait intéressant aussi et qu'on se pose aussi tous les jours. Alors, je vais répondre en deux temps. Premier temps, je pense quand même, faut le voir de ce qu'on fait tous les jours. Je suis désolée. Enfin, c'est oui, non, mais je veux dire aussi ce que tu dis. Oui, mais alors si on est dans une action dite et donc on attend de nous et qu'on est payé, etc. On peut quand même s'affranchir un peu des choses. Hein. Donc voilà, et que justement c'est une question de philosophie. Et nous, on l'a très forte cette philosophie de se mettre un pied de côté. Et finalement, les gens qui après nous font intervenir, ils nous connaissent aussi. Donc, c'est des gens qui sont aussi dans notre philosophie. Donc, ils sont pas là que pour faire du théâtre de prévention. Il est arrivé, je fais juste un petit insert par rapport à ça, de garder ce que tu penses. Il est arrivé, parfois, qu'on intervienne auprès d'un commanditaire. Là, on parle vraiment sur les commanditaires publics, c'est-à-dire infirmières, profs, etc. Il est arrivé quelques très rares fois où le commanditaire n'a pas, à la fin de la séance, n'a pas été content du tout parce que on n'avait pas parlé de tel sujet, ou on avait laissé des jeunes monter sur scène dire que, par exemple, ils fumaient et que le cannabis était bon, enfin ce genre de choses. Même si après, il y avait eu un temps. Dernièrement, on s'est fait censurer, on n'a plus le droit de jouer dans un établissement scolaire. Dont les profs n'ont pas voulu qu'on vienne jouer derrière. Donc, alors là, c'était pas eux qui payaient. C'est l'équipe enseignante, c'est autre chose. Disons que nous, notre manière de faire fait que, en tout cas jusqu'à la livraison du produit fini, pardon, on jouera ce qu'il est prévu qu'on joue. Si après coup, les gens disent, écoutez, c'est trop subversif, mon Dieu. Eh ben, ok, on retravaillera plus pour eux. Et donc le deuxième temps, donc à part cette chose où effectivement ça a des limites, on les connaît, on les voit, etc., etc. Mais effectivement, on a envie de faire ça. C'est vraiment, moi, je peux pas faire autre chose que ça. Donc voilà. Et ça me semble vraiment important et utile en le faisant au jour le jour, même dans ces conditions de commanditaire, d'être payé, nanana. On y trouve notre espace de liberté, donc c'est pour ça qu'on continue à le faire, sinon on le ferait plus. Et la deuxième chose, c'est j'aimerais bien qu'il y ait des financements qui viennent nous financer pour ça. Sauf que, par exemple, on pourrait être dans la culture. Enfin voilà, la DRAC, par exemple, propose des. Oui, parce que le théâtre, c'est quand même massivement subventionné. Oui, mais on n'est pas. Alors voilà, on est en France. Donc les choses sont cloisonnées. On fait du social, donc on fait pas de culture. Donc on a essayé d'être financé par la DRAC. Et avant, on est issu d'une autre compagnie qui s'est démenée pour avoir des financements publics pour faire ce qu'on fait au-delà de... Milieu culturel. Eh ben, je vous assure qu'on se tape la tête contre un mur. Donc à un moment donné, soit on arrête ce qu'on fait, soit on continue à le faire dans les conditions qui nous sont données. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Mais la recherche, hein, c'est pas grave... Oui, ça arrive d'avoir les artistes aussi, des fois ils font des trucs pour les vendre. Enfin, il n'y a pas de souci avec ça. C'est pas vulgaire, quoi. Mais c'est vrai que, en fait, je dis ça et je réponds comme ça parce que ça m'agace aussi. Hein. C'est pas ta question, hein. C'est pas toi. C'est l'ensemble qui, voilà. Mais on se pose aussi des questions, là, maintenant. Quelle forme on pourrait faire, effectivement, venir agir et comment, et nous, entre groupes de comédiens, voilà. Mais bon, ça, c'est une question qu'on continuera à poursuivre, nous. Aussi. Et est-ce que vous pensez que les gens sont. S'investissent dans cette démarche de manière assez naturelle ou sont souvent violents Tu veux dire ceux qui montent sur scène? Alors soit ceux qui observent ou ceux qui décident effectivement de monter sur scène à un moment donné. On a toujours des gens qui montent sur scène, si tu veux. Après, pour certains, c'est parfois plus ou moins difficile. Mais nous, alors là aussi, nous, notre manière de faire à nous, c'est qu'on ne fait jamais rien dans la douleur. C'est-à-dire que on discute, par exemple, il y a un des spectateurs qui commence à nous exposer une idée, et au bout d'un moment, lui dit, bah écoute, je pense que ce serait bien que tu viennes remplacer ce personnage et puis que tu exposes cette situation. Si elle commence par nous dire, oh non, j'ose pas, alors vraiment, et que par exemple, il peut avoir des copains autour qui disent, allez, vas-y, on est bien clair là-dessus avec le fait que on ne pousse jamais personne à venir, on lui repropose vraiment et puis on lui explique que ben il n'y a que lui qui connaît son idée finalement et qui va pouvoir l'expérimenter comme il faut. Et en règle générale, au bout d'un moment, il y a un peu ce qu'on appelle la danse du non-non-oui. C'est que ça commence par non-non et puis finalement il vient. Et en général, il est très heureux après d'être venu sur scène. On n'est jamais dans l'idée de « Ah, il faut que tu viennes » ou alors dans l'idée de « C'est parce que tu vas souffrir, que tu vas expérimenter quelque chose qui va peut-être te faire changer toi-même ». On n'est pas, et peut-être, alors c'est là où c'est peut-être un tout petit peu différent vraiment du psychodrame, dans le sens où la transformation, bien sûr, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de monter sur scène et qui vient sur scène devant 100, 150 personnes et qui joue, eh ben, il s'est passé un micro-truc dans sa vie, quoi. Peut-être pas un bouleversement, mais il s'est passé un petit quelque chose. Mais vraiment, on est vraiment sur l'idée de partager une expérience collective où, écoute, vraiment, je pense que c'est important que je vienne défendre ce point de vue-là. Et donc, je m'investis un tout petit peu, et peut-être c'est ça aussi qui rejoint le côté d'éducation populaire, le côté de pourquoi est-ce que je pense qu'on a quand même des liens avec le mouvement de Nuit Debout et ce genre de choses, c'est que bah, chacun va peut-être se dire, peut-être je peux mettre mon grain de sable à cet endroit-là, mon grain de sable ou mon grain de sel d'ailleurs, et puis ça peut permettre de changer les choses. Et souvent justement, on a aussi, on voit des élèves arriver, au début ils parlent beaucoup pendant, enfin des élèves ou des spectateurs, pendant la pièce, et puis alors des fois on en voit, ils sont vraiment comme ça sur leur chaise, enfin recroquevillés sur eux, quoi, fermés, genre bon. Hein. Et en fait, c'est au fur et à mesure du forum, donc de la partie participative derrière, où d'un coup, il y a les têtes qui se lèvent, et finalement, c'est cette personne-là qui est arrivée, qui va venir proposer une improvisation derrière. Donc après, il y en a toujours, qui ne prennent pas la parole. De toute façon, on est des fois dans des temps impartis où c'est pas possible non plus. Mais c'est pas pour autant qu'ils écoutent pas, c'est pas pour autant parce que souvent c'est des petits groupes qui se créent puis qui chuchotent entre eux et puis ils parlent en fait parce qu'il y en a toujours qui sont derrière et qui entendent ce qu'ils se disent et ils parlent des sujets qui sont évoqués dans les improvisations et tout ça, donc voilà, je pense que... Vous avez parlé peut-être du répertoire, ce qui est intéressant c'est que, enfin moi je suis d'une génération, c'est vrai que le théâtre ça venait souvent en appui par rapport à un cours magistral, enfin, et puis après on avait éventuellement la sortie, et c'est vrai qu'on a vu se dégrader souvent d'ailleurs, parce que là on avait du théâtre professionnel, hein, on allait voir une vraie pièce, quoi, Rue Glace, mais enfin vous en avez parlé, et c'est vrai que, alors l'auditoire ça voulait dire silence radio, après on repartait, on faisait un échange dans la classe, que c'était, et c'est vrai que ce que je trouve intéressant dans votre démarche, c'est tout d'un coup de décloisonner, pour que ce qui vient en appui des fois à un cours, ça devient aussi après quelque chose de plus direct, plus interactif. Et même, pour reprendre un peu ce que tu dis, donc quand on est en milieu scolaire, on a donc les élèves qui sont là, et ce qui est très important, Et ce qui n'est pas toujours le cas, c'est que les professeurs soient là. Les profs, ils sont présents, ils sont dans la salle et ils voient leurs élèves aussi réagir différemment. Ils entendent ce qui se dit. Ça leur permet de prendre le pouls un peu de la classe, d'une génération, enfin de tout ce qu'on veut. Et aussi ensuite, de pouvoir aussi reprendre en classe. D'ailleurs, dans toutes les matières, il y a parfois des profs de SVT qui vont reprendre les choses qui se sont dites, des profs de philo, des profs de lettres, des profs d'histoire, enfin voilà, ce genre de choses. Quand, idéalement, on tombe sur des profs qui ont aussi envie de s'investir là-dedans, ça donne des trucs qui sont vraiment super, parce que il y a la pièce de théâtre, il y a le temps d'improvisation avec les spectateurs, et après, en plus, ils ont un troisième temps en classe avec les élèves, ou à froid, parfois c'est le lendemain, parfois c'est la semaine suivante, où ils peuvent reparler de ces sujets-là, quoi. Et quand ça marche, c'est vraiment bien. Et la médiation, c'est vous, parce que moi, je me rappelle, alors, souvenir, hein, c'est vrai que ça arrivait pas souvent, mais j'ai vu une fois une pièce s'arrêter avec des acteurs qui refusaient de continuer parce qu'il y avait trop de chahut. Mais en fait, il y avait blocage. Il n'y avait pas, tandis que vous, peut-être que de toute façon, vous pouvez choisir de, peut-être pour pas de l'interrompre, mais enfin, de passer à autre, non? Alors, on n'interrompt jamais. Et alors, il y a beaucoup de discussions, enfin, beaucoup ou pas, ça dépend des séances, hein, mais des fois, sur les caprices de Marianne, bon, on va entendre certains. On laisse continuer, sauf si vraiment ça dépassait l'entendement, mais ça ne nous est jamais arrivé. On est habitué à ça. Effectivement, nous-mêmes, il nous est arrivé d'aller voir du théâtre, et dans des salles où c'était des scolaires qui venaient, et on a vu un comédien s'arrêter de jouer parce que ça parlait trop. Nous, on le fait jamais parce qu'on accepte ça, c'est le jeu aussi, jusqu'à une certaine limite de respect, mais ça n'est jamais arrivé que ça dépasse la limite qu'on se fixe, quoi. Enfin, voilà. Mais pour revenir sur les classiques qu'on fait aussi, c'est fou de se dire que, par exemple, sur les Caprices de Marianne, tu dis, ouais, on a vu des pièces, et puis d'habitude, on va au théâtre, on voit les pièces de répertoire, et nous, on arrive un peu à les faire venir, mais pas tellement, parce que les gens, équipe enseignante ou autre, peuvent être réfractaires. Non, mais les Caprices auprès de Marianne, des commanditaires, auprès des, voilà, ils vont rien comprendre. Plus de mal à les diffuser. Et puis aller parler sur des pièces de théâtre, c'est un peu, Burke, enfin, non, enfin, c'est. On désacralise quelque chose. On désacralise quelque chose et parfois c'est un peu difficile. Mais alors qu'à l'époque où ils étaient joués, les gens parlaient pendant, enfin, c'était, On est bien d'accord. Et d'un coup, elles sont respectées, les pièces, enfin. On a été joué il y a deux ans, peut-être, donc les Caprices de Marianne. Donc, on a été joué pour des classes de 4e au Tarteret à Corbeil-Essonne. Donc, c'est un bahut qui est assez difficile. Alors, quand on est arrivé, on a des profs qui nous ont dit « Oh là là, pourquoi vous allez jouer pour eux, mais ils vont rien comprendre. Vous allez voir, ici, c'est vraiment l'enfer. » Eh ben, on a joué. La salle était animée, mais vraiment animée, juste ce qu'il faut, quoi. Et ensuite, on a débattu. Les quatrièmes ont tout à fait compris de quoi ça parlait. Que Marianne, elle était au milieu, aux prises avec ses choix, avec des hommes. Parce qu'on modifie pas la langue, hein. C'est le texte de Musset. C'est le texte de Musset. On a coupé quelques scènes pour que ça dure un peu moins d'une heure. Mais sinon, c'est le texte de Musset qu'on joue sans perruque. Mais voilà. Et donc, ils ont tout à fait compris de quoi ils retournaient. Et ils sont montés sur scène. Ils ont remplacé les personnages. Ils ont même parfois essayé, ça c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, de reprendre un peu les tournures de phrases pour improviser. Et voilà, et ça a été superbe. Les profs ont été honnêtes et vraiment sur le cul, au point même que on a le principal adjoint qui est venu nous voir à la fin en nous disant qu'il était désolé qu'il n'avait pas pu assister à la séance, mais qu'il y avait des professeurs qui étaient venus le voir pour lui dire écoute, tu verrais, les élèves, on les reconnaît pas, c'est vraiment incroyable. Et ça fait partie d'un des multiples objectifs, en fait. On dit voilà, on vient pour de la tête de prévention, mais au final, nous, on est très contents qu'à la fin, on voit, même si finalement on n'a pas trop parlé de relations filles garçons ou de je sais pas quoi, d'un coup des professeurs autour, eux-mêmes les élèves sont montés sur un plateau et puis se sont mis dans la langue de Musset tout à fait naturellement, sans qu'on donne aucune consigne sur le fait qu'attention, il faut que vous fassiez attention à votre vocabulaire. On leur dit pas ça, ils font. Et ils ont un vrai plaisir de le faire. Et rien que ça, après, ceux qui viennent nous voir à la fin, qui disent « Ah, merci !» Voilà, c'est déjà ça. Vraiment, que ce soit bien clair, on fait pas d'angélisme. Hein. C'est-à-dire que il y a des endroits où les élèves sont chiants, il y a des endroits où c'est difficile, ils sont pas tous magnifiques, fabuleux, etc. Mais nous, notre objectif, c'est vraiment de créditer les spectateurs d'une intelligence qu'ils possèdent vraiment. Et parfois, je parle même pas que de la télévision, des choses comme ça. Il y a parfois même certains médias ou certaines presses qui sont censés réfléchir un petit peu. Eh ben, je pense qu'ils créditent pas le public ou l'audience d'une certaine intelligence. Et je trouve ça vraiment dommage. Vous êtes quand même porteur, je trouve, comme dans Nuit Debout, il n'y a pas de prétention à croire que tout le monde va tout d'un coup adhérer. Par contre, vous déclenchez des choses, et c'est un peu comme Nuit Debout, les gens repartent avec, alors certains avec rien peut-être, mais certainement vous déclenchez chez les jeunes des choses, des attitudes derrière ou des réflexions, et ça c'est tout le mérite de votre travail, je pense. Si on vient faire, j'espère. Même dans les entreprises, j'imagine, hein, ça ne peut pas être de toute façon tout le monde unanime par rapport à ce que vous proposez, mais, sûrement qu'il y a des gens qui... Même si parfois on vient sur un spectacle qui parle, on va dire, du cannabis et de la parentalité, et que à la fin il y a deux élèves qui viennent voir leur prof en leur disant bah non, on aimerait bien créer un atelier théâtre au sein de l'établissement, bah il y a déjà quelque chose qui s'est passé, quoi. On n'a aucune prétention autre que ça. Est-ce qu'il y aurait, avant de conclure, est-ce qu'il y aurait d'autres questions, interventions Ouais, c'est ça. Est-ce que vous voulez dire un mot de conclusion On vous remercie. Eh ben, merci à vous de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là dès le début. Hein.